Y'en a qui ont goûté au ciel et ont trouvé un goût de miel. Y'a ceux qui ont mordu la terre et ont trouvé un goût amer. Y'en a qui croient dur comme fer au paradis ou à l'enfer. Y'a ceux qui pensent que la charité tâcher leurs mains du sang d'Abel comme Caïn. Y'a ceux qui rendent tout possible, même le pardon le plus terrible. Y'en a pour qui la vie vaut haine, portant le mal, voulant la peine. Y'a ceux qui voient même dans le noir la volonté de croire en l'espoir. Y'en a qui sont vrais y'en a. Y'a ceux qui en ont.